kérosène, garçon. Je suis un juif, pose des caissons. Sur ta terre, c'est la guerre, mais nous on suit pas entre frères. Tu sais que la vie est rude, alors poursuis tes études. Avec le talent, on arrive à tout, même au succès. Le succès m'amène à l'argent. L'argent m'en manque pas mal pour l'instant. Les trous jusqu'à ma mort en faisant du rap par corps. Ma vie ça a pas toujours été un conte de fées. Je peux t'avouer, la raison des fois je la perds. Je deviens ouf et y'a rien à faire. Je peux pas rester sérieux plus de jours, c'est dur. Le rap c'est à mon tour maintenant, faut que j'assure. J'espère que t'as pris une bonne assurance vie. Car mon rap va te choquer, tu vas rester paralysé. Moi je vais représenter ma génération carrée. Mon rap c'est le futur, à écouter à balle dans ta voiture. J'arrive à fond pour exploser les caissons. Je vais représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire entendre, faut que j'assure. J'arrive à fond pour exploser les caissons. Je vais représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire entendre, faut que j'assure. J'ai pas attendu d'être connu pour te dire ce que je pensais. J'attends d'être reconnu, mais bon t'inquiète, je suis pas pressé. À l'heure où je vous parle, j'ai peu de chance de me faire connaître. Mais je m'en fous, je préfère rester vrai plutôt qu'être malhonnête. Ce qu'il faut, c'est une petite minette, même pour ce que je suis, et non pas pour ce que je fais. Le rap, c'est une force à arrêter. Prends-toi bien dans la tête que j'arrêterai jamais. Il faudra peut-être du temps si je veux vraiment percer. Je chauffais pas de style, je vais pas me prostituer juste pour te faire circuler. Je regrette pas ce que je suis, je regrette pas ce que je fais. Car mes pulsions sont plus fortes que ma raison. T'as beau te contrôler mais t'es quand même un pas de garçon. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je vais pas faire la caïra, non ça ne m'irait pas. Moi je viens d'ici et non pas de là-bas. Moi je suis comme je suis mais si ça ne te plaît pas. À tous ceux qui diront que j'ai pas ma se plat dans ce rap français. Combien d'entre vous se sont travestis pour y arriver. Le talent, le chant, tout ça c'est périmé. Maintenant si tu veux chanter, il faut juste un son, un logiciel de correction. Ma direction n'est pas encore déterminée, hein. Mais t'inquiète, pas besoin de GPS pour retrouver mon chemin. Le temps s'écoule et moi je déboule. À l'heure où le peur a franchi un nouveau pas. Passe-moi un micro et un son nouveau. Et Akiro, bro, t'exposes tout ça. J'arrive à fond pour exposer les caissons. Je viens représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire entendre, faut que j'assure. J'arrive à fond pour exposer les caissons. Je viens représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire attendre, faut que j'assure. J'arrive à fond pour exposer les caissons. Je viens représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire entendre, faut que j'assure. J'arrive à fond pour exposer les caissons. Je viens représenter ma génération tarée. J'arrive à fond car mon rap c'est le futur. C'est à mon tour de me faire entendre, faut que j'assure.